Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous pendant les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour 3 heures de cette musique toute fraîche, toute chaude et dans certains cas tiède. Du côté francophone, on va retrouver cette semaine Frank et ses potes, Trans Acadie, La Loi des Cactus, Karma, mais on commence par un single de Ben Rossi. Voici Grande Allée à La Chance au coureur. T'auras la main, rien de prévu pour demain. Je décide de partir pour la grande allée. Redonne ma tête rêveur, tandis que je cherche des options pour joindre le fun pis le party. Ah, ah, ah, oh yeah. Je donnerais tout l'or au monde si je pouvais changer mon nom pour un jet. Ouais, je poserais sur les plaines de mes ancêtres, près des bars à 5 à 7. Si j'étais un géant, je marcherais tout autour des bâtisses et des champs. Je m'asseoirais sur les tours. La la la. Je compterais les jours où ma vie était grande à mes yeux d'or. À mes yeux de grand, ouais! C'est si beau, c'est si loin, pas moyen de s'y rendre lorsqu'on est paumé. Vive la vie lorsqu'on n'a pas les moyens, c'est comme l'hiver à plus 47 degrés. Tous les jours, je regarde ce monde fou. La grande allée, si la royauté, si sa majesté me recevra un jour. J'aimerais tout l'or au monde si je pouvais changer mon or pour une tête. Ouais, je l'amènerais faire le tour de la capitale pour faire des cocktails dans une suite magistrale. Si j'étais un géant, je marcherais. Je m'assoirais sur les tours, la la la. Je compterais les jours où ma vie était grande à mes yeux d'enfant. D'aller être un rêve fou, sans toi il n'y aurait pas de clameur là. Les femmes sympas, les grands respirent du haut de leur tour. Voir de quoi ça a l'air. Ben Rosti avec Grande Allée à la chance au coureur. Parlons un petit peu de ce Ben Rosti, c'est du pop acoustique. BenRosti.com et son site web. Le lancement était le 16 mai dernier. C'est un Québécois, vous l'aurez compris. Et puis, il est sur les productions Alpine. Petite biographie rapide d'origine montréalaise. Ben Rosti est un auteur-compositeur-interprète de 25 ans à saveur pop-rock. Sting, Jack Johnson, Rémi Chand et Jean Leloup font partie des artistes qui ont eu une influence majeure sur son style musical. Si vous voulez entendre des extraits, dont La Grande Allée, allez voir le myspace.com/BenRosti6969. Très, très mature. Ben Rosti 6969 ou BenRosti.com, R-U-S-T-Y. Voilà, c'était seulement un single. Maintenant, on passe à une formation qui s'appelle Karma. Ouais, Karma. Vous pouvez aller voir myspace.com/karmafetus. On va l'entendre la pièce L'Encéphale et on en parle après. À la chance! Au coureur! Il est parti et se console. questionne. Pourquoi la vie est ainsi se dit-il, couché au sol, s'endormissait. Dans la rue, en plein centre-ville, le monde ignore ses tours passés. Et qui on se loue, même tout le monde est sourd. Pièce du nouvel album de la formation Karma, Au secours, précédé de L'Encéphale, à la source au pouvoir, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, à CIFU 89.1 FM. Karma est un groupe de Repentigny au Québec, un duo rock alternatif francophone formé en décembre 2006. Ils ont terminé leur album qui porte le titre Fœtus, le premier, et le lancement a eu lieu le 20 avril dernier, qui était aussi leur premier spectacle. Pour l'instant, tout est nouveau pour eux et ils se lancent en territoire inconnu, mais avec courage et volonté, ils foncent. Dit leur article sur myspace.com/karmafœtus, leur biographie Karma Fœtus, Karma avec un K et Fœtus, F-O-E-T-U-S. Tout d'abord, Karma, c'est Simon Lebel, le chanteur, et Bruno Leclerc, le multi-instrumentiste. Ce sont aussi des amis de longue date, mais ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils s'unissent pour faire leur propre matériel. Tout a commencé autour d'un feu entouré d'amis, de bière et de la guitare sèche. Cumule les parties dans les bois et les campings sauvages. Sinon, se découvrit un talent caché, celui de chanter. Puisque Bruno et Simon ont pratiquement les mêmes goûts musicaux, pourquoi ne pas tenter l'expérience? Bruno proposa alors une série de compositions et Simon ajouta sa touche personnelle. Depuis, l'aventure se poursuit. Voilà donc le band des Karma Fœtus, myspace.com/karmafœtus et leur site internet. On s'en va entendre une troisième pièce de leur part. Voici tout de suite Mourir debout à la chance. Au coureur! C'est pour ça que j'ai dépêché, j'ai dépêché de la mer car les contrats s'attirent tous les vendredis, ça pétille dans mon cerveau. Mon poids me contredit, mais ça ce n'est pas nouveau. Comme un chien à la fourrière, je cherche à m'en sortir. Le pluie à la bonne temps, même si la pluie n'interdit rien. Les amis, c'est important, même par les temps sibériens. Trop tardy est déjà pris goût. Bien sûr, je préfère mourir de goût. Je ne sais m'arrêter, oui je sais j'en suis un trop. Parfois je peux blesser, je m'excuse c'est embêtant. Mes amis sont compressés, elles explosent tout en même temps. Y'a personne de parfait, sinon ce n'est pas un humain. Je suis très satisfait, on oublie tous les lendemains. Il y aura plus moins pénible, chaque jour me le confirme. Mes pensées indisponibles, car ma tête est infime. Trop tard, j'y ai déjà pris goût. Bien sûr, je préfère mourir de goût. Déjà la pris goût. Bien sûr, disponible, je suis le roi des gags. J'ai souvent un mauvais mine car je saute des repas. Me manque des vitamines, un PCD, je ne sais pas. Mais les fins de semaine, j'ai me brouillé l'esprit. Et faire une fumée avec l'alcool et l'autorine. Et au fil des crépits, je connais presque midi. Mais je les dépasse, alors tant pis, je suis de la dynamite. Trop tard, qui est déjà pris goût. Bien sûr, je préfère mourir pour vous. Trop tard, j'y ai déjà pris goût. Bien sûr, je préfère mourir pour vous. Formation Karma avec Fœtus. Et maintenant, on ralentit et on écoute un peu de Transacadie. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, je vais te bâtir un bateau. J'ai monté au grenier, c'était pour y trouver. J'ai monté au grenier, c'était pour y trouver. Un chapeau de capitaine pour séduire ma dulcinée. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, je vais te bâtir un bateau. Un chapeau de capitaine pour séduire ma dulcinée. Un chapeau de capitaine pour séduire ma dulcinée. Et très loin du rivage, lui ai demandé de me fiancer. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, embarque dans mon bateau. Et très loin du rivage, lui ai demandé de me fiancer. Et très loin du rivage, lui ai demandé de me fiancer. Comme bouée de sauvetage, j'y ai promis fidélité. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, on est parti en bateau. Comme bouée de sauvetage, j'y ai promis fidélité. Comme bouée de sauvetage, j'y ai promis fidélité. Ma promesse fit naufrage quand une sirène se mit à chanter. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, y'a de la houle en bateau. Ma promesse fit naufrage quand une sirène se mit à chanter. Ma promesse fit naufrage quand une sirène se mit à chanter. Séduit par son appel, m'a halluciné, elle s'est fâchée. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, ça brasse dans mon bateau. Séduit par son appel, m'a halluciné, elle s'est fâchée. Séduit par son appel, m'a halluciné, elle s'est fâchée. Je tape par-dessus bord la bouée que je lui avais donnée. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, mais mon bateau coule à flot. Je tape par-dessus bord la bouée que je lui avais donnée. Je tape par-dessus bord la bouée que je lui avais donnée. Me laisse à seul à bord du bateau que je lui avais monté. Rame avec moi et n'aie pas peur de l'eau, je t'ai monté un bateau. Et notre passion à la dérive sur une galère dans les bras. couche à soir. Que tu couches à soir, à ce que t'es belle, suis-je dans la misère? Tu claques des doigts, je suis à tes pieds. Tu m'ensorcelles comme un enfant, je suis excité. Toi, t'aimes ça, t'envoyer en l'air. Est-ce que tu vis au septième ciel? Sous ton nuage, tu aimes voguer. Fais attention, ça pourrait faire mal quand tu vas tomber. À la dérive sur une galère ou dans les bras d'une femme, la question qu'on se pose tout le temps, jusqu'on qu'on couche, jusqu'on qu'on couche, jusqu'on qu'on couche à soir. Jusque je couche à soir, ça vient de l'air, je suis dans la misère. Je suis cassé, y'a rien de compliqué. Je suis perdu, je vais sans le sou, je suis fatigué. Moi j'aime ça, la vie de rebelle. Je voudrais tout le temps vivre sur le volet. Oublier ma job et toute la patente. C'est ben le voleur que ça prend de l'argent pour s'amuser. J'ai déjà couché dans un igloo, même dans le port d'Amsterdam, à Ouarzazate, dans le Sahara, même sur une petite île à Beauchamp. J'ai couché dans Carissa, oui, même sur une plage à Waikiki, mais je veux pas coucher dehors à Tombouctou. À la dérive sur une galère ou dans les bras d'une femme, la question qu'on se pose tout le temps, jusqu'on couche, jusqu'on couche, jusqu'on couche à soir. La formation Trans-Acadie à la chanson coureur avec deux pièces. On vient d'entendre « Jusqu'on qu'on couche » et justement, c'était « Je t'ai monté un bateau, parlons d'eux un peu, Trans-Acadie », rock, folk rock, progressif, hein, c'est ce qu'ils disent. Vous pouvez acheter leur album sur transacadie.com. Ils viennent de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Les membres sont Ubi à la guitare acoustique et chanteur, Bascus à la guitare électrique et chanteur, Fred batteur, Frankie bassiste, Jock au violon, mandoline et chanteur. Les influences Metallica, Soldat Louis, Iron Maiden, Great Big Sea, La Bottine Souriante, ben oui. Des choses de très, très diversifiées, c'est un mot, oui, diversifié, voilà. Les cinq membres du groupe acadien Trans-Acadie sont tous originaires de la péninsule acadienne. Serge Basque, alias Bascus, à la guitare électrique, bon, je l'ai un petit peu déjà dit. Hubert Cormier, c'est celui qui est à la guitare acoustique. Jocelyn Godin, au violon et à la mandoline. Frédéric Lantaigne, à la batterie. Et François Lausier, alias Frankie, à la basse. Leur passion pour la musique les amène à former le groupe en 95. Trans-Acadie est d'inspiration folklorique, mais il offre des créations originales à travers une sonorité folk-rock et parfois même progressive. Bref, un son explosif qui s'apprête parfaitement au rendez-vous champêtre. D'autre part, bien que rythmé et entraînant à travers plusieurs de ses chansons, Trans-Acadie transmet des fondements riches puisés du patrimoine de l'Acadie, autant que les légendes et l'histoire que dans l'Acadie contemporaine. Voilà, ça c'est leur texte sur myspace.com/Trans-Acadie. D'ailleurs, aller entendre plusieurs de leurs chansons, dont Jusqu'on couche et Le Camp, la pièce qu'on s'en va entendre. Ils vont être en spectacle à travers le Nouveau-Brunswick à Tracadichéa, à Chipagan, à Caraquet et à Dieppe, dont aux Francophonies de Charlottetown. Génial. Donc, prochaine pièce qu'on s'en va entendre de leur part, c'est la pièce Le Camp, avec un K, K-A-M-P. Et d'ailleurs, Transacadie tiennent à mettre les K de couleur orange partout, tous les K dans tous leurs noms de pièces. Et d'ailleurs, c'est leur surnom. C'est ce qu'ils ont écrit sur leur petite biographie ici. Du néo-trad au rock progressif, Transacadie. Vous pouvez aussi le nommer K. Voilà. Donc, voici la pièce Le Camp, tout de suite à la chance. Au courage! Je viens de sonner, c'est au camp que ça se passe. On sait pas trop comment y aller, c'est pas grave. On se prête de pisser. La parisienne de mon père, où tous les deux on est allés. Ça fait pas son affaire. Le Frank Aswell s'est désigné de la coupe de paille, on a décidé. La route du chemin soir à voir derrière des chars bouger. On sait pas trop si ça cause la bière ou ben la gang à bord qu'on est, c'est pas grave. Autant qu'on puisse y aller. Tu passes de gauche à peine, tu peux pas ben loin avant d'arrêter. Tu peux virer à droite en langue colonne. Tu pourrais t'écarter, c'est pas grave. On est presque arrivé. La musique est trop loin, puis y'a de l'air d'avoir du bon. J'espère que ben on voit le repos. Rire et boire et puis danser. Comme le disait si bien mon père. C'est les jeunes, c'est les jeunes. Et c'est les jeunes s'amuser. En nom d'un cabane et je fais la gueule. Ces champions qui tirent au bouchon plusieurs essaient de l'essayer. Encore un soir, ils vont regretter. Vers 3h du matin, de tel coup se met à pousser. Serge comme un beau smart à la chandelle. Il est parti tanguer le feu, il a pris la campagne à passer. Par un gros feu de camp, well party, il a empoigné. Encore aujourd'hui, on entend parler. Rire et boire et puis danser. Comme le disait si bien mon père. C'est les jeunes, et c'est les jeunes, et c'est les jeunes s'amuser. Frank et ses potes à la chance au coureur. Vous écoutez la chance au coureur, on passe à un artiste, Frank et ses potes. L'album s'appelle Allumé, voici la pièce Paradis. Tout de suite à la chance au coureur. We'll be right back. du matin. En chantant, on se trace un chemin. Sur la rue solitaire, devant la musique dans les mains. Deux guitares et un gazou. Tant d'extase que j'en suis sous. Je t'invite à venir dans l'avenir. On créera de nouveaux souvenirs. J't'emmène au paradis. J't'en pas loin d'ici. Laisse faire le parapluie. Il n'y tombe pas au compromis. J't'emmène au paradis. Un séjour loin d'ici. Laisse faire le parapluie. Il n'y tombe pas de gros soucis. Wah, wah. C'est notre, c'est la liberté. La beauté de s'évader. Je respire entre mille soupirs. Purifié par ton sourire. La vie est courte, la nuit est longue. Avec mes idées tu jongles. Je t'invite à venir dans l'avenir. De nouveaux souvenirs. J't'emmène au paradis. J't'en pars loin d'ici. Laisse faire le parapluie. Il n'y tombe pas de compromis. J't'emmène au paradis. Un séjour loin d'ici. Laisse faire le parapluie. Il n'y tombe pas de gros soucis. Wow, wow. Sans l'infini, des fois légué par cette vie, dépasse les limites. Envole-toi vite. De demain, aujourd'hui, c'est fou 89.1. Plus de limites. La parole, une denrée rare. L'environnement, laissé à son sort. L'ennemi qui pollue, conscient qu'il contribue. envahit ma ville, mes amis, ma vie. Kyoto, Nogo, puis assez de mots. Kyoto, Nogo, le Chapita gagne par défaut. Triste écho, Kyoto, Nogo, le Chapita gagne par défaut. Je suis navré, consterné. Malmenée, une honte pour notre pays, dont la réputation est rarement ternie. Ce gouvernement pessimiste choque les gens et les attriste, prenant le choix sur l'avenir, sans solution ni élixir. Kyoto, no go, puis acide de mots. Kyoto, no go, le capital gagne par défaut. Triste écho, Kyoto, no go, le capital gagne par défaut. Et ses potes avec l'album Allumé à la chance au coureur. Parlons d'eux un petit peu. Commençons en disant que les pièces qu'on vient d'entendre, c'était Paradis, puis on vient d'entendre Kyoto Nogo. Tantôt, on va entendre Ma Jolie, mais avant, le rafraîchissant groupe Frank et ses potes, c'est un communiqué de presse envoyé par l'étiquette, évidemment. Le rafraîchissant groupe Frank et ses potes a lancé son premier album Allumé le mardi 15 mai dernier au Lion d'Or. C'est sur une gamme de styles métissés que le groupe a présenté les chansons au rythme engagé et aux mélodies accrocheuses de cet orchestre reggae rock pop. Sur Allumé, l'auteur-compositeur et leader de la formation François Wermenlinger offre une prose moderne où les sujets actuels et parfois même tabous sont évoqués de manière joyeusement astucieuse. Naviguant au son d'une musique chaude et entraînante, la voix souple de Frank, une voix souple, d'accord, est accompagnée d'arrangements musicaux innovateurs qui offrent une signature et un son particulier à l'album. Hein? Bien quand même. Pour leur premier opus, les cinq potes ont fait appel à de nombreux collaborateurs, dont Michel Dupire, qui a travaillé avec Diane Dufresne, André Martel, qui a travaillé avec Paulo Ramos, et Marc Papillon, ex-Franck et ses potes. Le dynamique quintet fut également épaulé par Anthony Rosankovic, qui travaille avec Florence K. Hein? Gagnant du Festi-Rock 2007, de la 18e édition du concours Cégep Rock et lauréat du Festival international des percussions, Frank et ses potes est reconnu pour brûler les planches des salles de spectacle. Pour en savoir plus, allez voir le frankesespotes.com ou encore Frank et ses potes sur MySpace, myspace.com/frankesespotes. Ils vont être en spectacle à Montréal, à Saint-Roch-de-la-Chigan, Sherbrooke, Longueuil, Anse-Saint-Jean, Chicoutimi, Montmagny, Richemont et un paquet d'autres endroits. Allez voir sur leur MySpace pour les dates de spectacle. On écoute une troisième pièce de leur part. Elle s'appelle Ma Jolie Élève. Voici tout de suite à la chance. Au courage! Ta-da! je séjourne dans les mois. Je veux te toucher, je désire t'embrasser. Longues sont les journées sans toi à mes côtés. Fleur de passion, ton parfum sent si bon. Tu m'éblouis, loin à l'horizon. Je pense t'as pas compris. Je pense t'as pas compris. Chérie, chérie, wow. Je t'aime ma jolie, à la folie, comme c'est pas permis. Ma jolie, à la folie, comme c'est pas permis. Beauté fatale. Plus jamais je te ferai mal. Je sais maintenant que la vie est un carnaval. C'est cool, c'est promptement les jours où l'amour suit son cours. Puis tu me fais tout oublier, les atrocités de ce monde devant ton regard ne font que s'éclipser. Je pense t'as pas compris. Je pense t'as pas compris. Chérie, chérie, wow. Je t'aime ma jolie, à la folie, comme c'est pas permis. Je t'aime ma jolie, à la folie, comme c'est pas permis. De Frank et ses potes à La Loi du Cactus, le dernier album francophone de la journée. C'est à la chance, au coureur! la mauvaise vibe vient de toi. Peut-être devrais-tu être moins chiant lorsque tu parles avec moi. La loi des cactus avec Sans comment ni pourquoi, puis à l'instant c'était Dites-moi à la chance au coureur. Leur album s'appelle La loi des cactus. C'est beau ça, hein? C'est beau. La loi des cactus, reggae, ska, rock, c'est un groupe de Montréal. Et puis parlons un petit peu de leur document de presse, comme toujours envoyé par l'étiquette même. C'est avec une frénésie exaltante que la formation La loi des cactus nous présente le premier extrait de son nouvel album. Sans comment ni pourquoi exprime la spontanéité d'une rencontre, l'urgence de vivre. Sur un air festif à mi-chemin entre le ska et le rock, Sans comment ni pourquoi est une entraînante invitation à s'amuser et à faire la fête passionnément. Ce besoin de profiter du temps qui passe est un thème très présent à travers l'œuvre du groupe composé de 5 musiciens. Olivier Gendron, chanteur et guitariste, Jean-David Marchand à la trompette, Philippe Da Silva à la guitare et aux voix, Martin Gendron à la basse et Jean-Carl Sutton à la batterie. Et sans comment ni pourquoi, vous aurez cette irrésistible envie de danser. Pour savoir plus sur le groupe et pour voir leur série de spectacles dont vous entendrez certainement parler, dit le texte, allez voir le www.laloidescactus.com. Vous allez pouvoir aussi entendre via leur MySpace ou myspace.com/laloidescactus des extraits dont Sans comment ni pourquoi et plusieurs extraits qui ne sont pas sur leur album le plus récent. Hein? Donc allez voir ça, myspace.com/laloidescactus. On écoute une troisième pièce de leur part. Ça donne à être la troisième pièce de leur album. Voici Babylon Resistance Sound System avec Culture Connection. À la chance au coureur. Yeah,

Deuxième heure de la chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous cette semaine. N'était-ce pas génial? J'ai absolument adoré ça. C'était Los Campesinos avec leur maxi qui s'appelle Sticking Fingers into Sockets. On vient d'entendre la pièce We Throw Parties, You Throw Knives. Peut-être une référence à You Say Party, We Say Die, un groupe qu'on aime bien assez fou. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas, ça vient peut-être d'ailleurs. On va l'entendre une deuxième pièce de leur EP qui en contient malheureusement que 6. Ça contient aussi deux vidéos pour les pièces We Throw Parties et pour You Me Dancing. Mais tout de suite, voici la pièce It Started With a Mix et on parlera d'eux en détail tantôt à la chance. Trying to find the perfect match between pretentious and pop. Some crappy artwork that took way, way too long to draw. Handwritten track listing restarted every time the pen smudged. Encoded title doesn't give away as much as it should. It started with a mix. I think it always will. Trying to find the perfect match between pretentious and pop. Some crappy artwork that took way, way too long to draw. Just a chip. Non seulement ils font un EP, ils font des pièces super courtes. Voici tout de suite Don't Tell Me to Do the Maths. Hein? Toujours la formation Los Campesinos. Please don't tell me to do the math. Los Campesinos, un groupe du Royaume-Uni avec pour l'instant trois pièces. We Throw Parties, You Throw Knives, It Started With A Mix, et on vient d'entendre Don't Tell Me To Do The Maths. T'es mieux de pas me dire ça. Los Campesinos, leur album s'appelle Sticking Fingers Into Sockets. Et puis ils vont sortir ce EP-là, ce maxi-là, le 3 juillet prochain. C'est 6 chansons qu'on retrouve là-dessus. C'est sorti sur Wichita Recordings. C'est ceux qui travaillent avec Block Party, Clap Your Hands, Say Yeah et Peter Bjorn and John. Ceux qu'on adore. C'est fou qu'ils sont sur notre palmarès en ce moment avec Up Against the Wall. Donc, c'est sorti en février comme téléchargement gratuit et comme vinyle de 7 pouces édition limitée. Magnifique. Le single a été adoré. Et puis, le London Times a fait de très bonnes critiques de ça. Et puis ensuite, leur deuxième pièce, You Me Dancing, est sortie le 4 juin au Royaume-Uni. Et il y a eu des vidéoclips pour chacune de ces deux pièces-là, qui sont d'ailleurs sur le EP, sur le maxi. Et Sticking Fingers Into Sockets a été produit par David Neufeld, qui travaille avec Broken Social Scene. Le band a fait surface sur MySpace l'été passé. Et puis ensuite, ils ont signé avec Wichita Recordings. Ils ont fait quelques petits spectacles, mais pas tant que ça. Et puis voilà, et si vous voulez plus d'informations sur le groupe, allez voir myspace.com, Los Campesinos, C-A-M-P-E-S-I-N-O-S, Campesinos. C'est un groupe d'alternatifs indie pop, encore une fois de Cardiff au Royaume-Uni. Les membres sont Alexandra Campesinos, Ellen, Garrett, Harriet, Neil, Holly et Tom Campesinos, avec le point d'exclamation, c'est très très très important. Spectacle, j'en vois quelques-uns en Ontario, à Chicago et à New York, c'est pas mal les plus proches. Spectacle qu'ils vont faire dans notre coin. Voilà. Donc, c'est génial. On va l'entendre une quatrième pièce de leur part, c'est-à-dire celle qui se nomme Frontwards. Et puis ensuite, si on a... Non, même, je me dirais, on pourrait quasiment garder le reste pour le bloc coureur de la semaine au palmarès. C'est fou. On fera la plug tantôt. Vous savez comment j'aime ça, faire les plugs. Voilà la quatrième pièce de Los Campesinos. Si vous voulez entendre d'autres pièces, écoutez les Palmarès, c'est fou. La prochaine édition, c'est les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. Mais pour l'instant, on continue avec Kevin House. Voici l'album World of Beauty. À la chance. Au courant. I'm not afraid of big black spiders, creepy crawlers. And I'm not afraid of what lays hiding in the dark. Invited to celebration. With the love of God, we are all living, and we're dying in a world. Thank you. Cavern House, c'est la pièce Song of a Cloud de l'album World of Beauty. Juste avant, c'était la pièce titre de l'album World of Beauty. Cavern House, folk, other, jazz, selon lui-même, c'est un artiste canadien que vous pouvez retrouver sur le kevinhouse.ca. Les membres du band sont Cavern House à la guitare et la voix et le Theremin, un paquet d'autres instruments comme ça. Russell Schoenberg, Sky Brooks, JP Carter, Mike Derrick et d'autres gens très distinctifs. Aiden Nielsen, Jesse Zubat, quelques autres. Je vais lire sur son document de presse. Premièrement, l'album sort le 10 avril. C'est son deuxième album. C'est un artiste peintre et un artiste de la chanson. C'est ça. Et puis, ça dit que s'il y avait un certain genre de rapprochement oublié entre la chanson folk, blues, traditionnelle, tous ensemble. Donc, Serge Gainsbourg, John Fahey, Nick Drake, Leonard Cohen, Chet Baker, ils sont tous ensemble en train de se promener un petit peu dans ces chansons-là. C'est comme une genre de pièce de théâtre miniature avec de la musique. C'est ce qu'il dit. C'est comme des petites peintures de paysages où quelque chose ne va pas. Et mélodie et dissonance, nuages et pierres. Le Soleil de Québec a dit que c'est un petit bijou qui, bien que pas toujours poli, séduit aisément. Donc, les critiques sont très, très bonnes pour Cavern House, l'album World of Beauty. Vous pouvez entendre des pièces, dont la pièce titre, sur le myspace.com/CavernRHouse. Cavern, la lettre R puis House. Et vous pouvez aussi regarder quelques-unes de ses peintures et acheter l'album via son MySpace. On continue avec une troisième pièce de cet album-là. On écoute All the Planets, All the Stars. Il y a un thème dans son album, on dirait nuages, étoiles, planètes. Ça fait très, très, très space. C'est ce qu'on écoute tout de suite à la chance au coureur. All the beauty you can't see, all the dreams you don't dream, all the lovers you deceived, all the silence and the screams, all of the planets and all of the stars, all the drugs and alcohol, all the bars and after hours, all the records and books you've owned, all the things you wear sold, all of the planets and all of the stars, all of the planets and all of the stars. small talk, all the lights in Times Square, all the faces everywhere, all of the planets, all of the stars, all of the planets, and all of the stars. Kevin House avec All the Planets, All the Stars de l'album World of Beauty. Maintenant, on écoute une longue, longue pièce de Bardy Johansson de l'album Accent. Voici la première partie. C'est une très, très longue pièce de 9 minutes et on se retrouve après à La Chance, au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À C'est Fou 89.1 FM. La première partie de Axon, l'album de Bardi Johansson à la chance au coureur, qui lui reste encore 3 minutes, donc parlons par-dessus. Voilà, Bardi Johansson, qui est un des artistes et producteurs et écrivains les plus, qui ont le plus de succès en Islande, connu pour Bang Bang. Ils ont fait une tournée américaine en 2006 et il est une moitié de Lady and Bird avec la chanteuse française Karen Ann, Karen Ann comme on l'appelle. Ce CD a été nominé pour Album de l'année au 2007 Icelandic Music Awards. Ça a été enregistré avec l'Orchestre symphonique de Bulgarie, le Bulgarian Symphony Orchestra. C'est une trame sonore gothique, sombre, créée pour le film culte des années 20, Axan, qui a été banni pendant des décennies à cause de sa nudité, de la sorcellerie et des images sataniques à l'intérieur du film. Il est sorti plus tard dans les années 60 sous le titre de Axan Witchcraft Through the Ages avec des commentaires par William Burroughs. Le CD vient dans un digipack, comme on l'appelle dans le domaine, avec 6 panneaux et avec un mini poster à l'intérieur et des notes complètes. C'est donc Axan, film d'horreur culte suédois datant de 1922 et véritable curiosité cinématographique censurée pendant des années. Il fut projeté en 2004 au Forum des images à Paris, accompagné d'une composition de Bardi Johansson pour 2 violons, percussions et machines. En fait, c'était ce qu'on appelait un silent film, un film muet dans ce temps-là. Donc, ils ont composé la musique. Bardi Johansson a composé la musique. Prolongeant l'expérience, Bardi répond à l'invitation du Festival Lumière d'hiver de Reykjavik et décide à cette occasion de travailler avec Thorir Baldursson afin de développer une version alternative de Axan pour l'Orchestre National Philharmonique d'Islande. Voilà son vrai nom. En février 2005, logiquement, il décide d'enregistrer cette composition à Sofia avec la complicité de l'Orchestre symphonique bulgare et de la Maison de la radio de Sofia. La production fut finalisée en Islande et le mix terminé en 2006. Certains morceaux de ce disque sont des versions courtes des versions originales, donc même la pièce de 9 minutes qu'on vient d'entendre était peut-être une version courte de quelque chose de plus long. Axan est un projet véritablement unique, chargé de mystères poétiques qui continue aujourd'hui encore de stupéfier ceux qui l'ont approché. Voilà, donc l'artiste est Bardi Johansson et l'album est Axan, disponible à partir... déjà disponible, voilà. Au retour de la publicité, on va entendre la formation The Fall of Troy avec l'album Manipulator à la chance au coureur. What could I have said? of Troy à la chanson coureur. On vient d'entendre deux pièces, Cut Down All the Trees and Name the Streets After Them. Et ensuite, c'était Semi-Fiction. On va entendre une troisième pièce dans quelques secondes, mais avant, parlons un petit peu de ce groupe qui est The Fall of Troy. Pourquoi pas? C'est un groupe de progressif expérimental de Mookie Theo Washington aux États-Unis. Leur album s'appelle Manipulator et c'est disponible maintenant. Les membres sont Tim Ward à la basse et la voix, Thomas Herrack à la guitare et la voix, Andrew Forsman à la batterie et Noella Johnson au clavier et aux backing vocals sur l'album Manipulator. Il va être en spectacle un peu partout aux États-Unis. Je vois des endroits comme l'Utah, hein, la Californie, l'Oregon et plusieurs autres. Allez voir myspace.com/The Fall of Troy pour les dates. Et pour plus d'informations, allez voir le site officiel thefalloftroy.com. Voilà. On va entendre, comme je disais tantôt, une troisième pièce. Elle s'appelle The Dark Trail. Et elle commence... I know you got your eyes. Troy avec The Dark Trail. Et maintenant, tout de suite, voici un nouvel album de Tim Armstrong. Tim Armstrong de Rancid a sorti un album. Et voici la pièce Wake Up à la chance au coureur. Gonna be changing, starting new, rearranging. I got a new girl I'm seeing, just like the last one, just like the first one. Live for today, not tomorrow. Keep moving away from sorrow. Ain't one to beg or borrow. So listen to me. Wake up, you son of a bitch. I wanna know who you're with. Why do you roll in the night at like six in the morning? I say, wake up, my love of mine. Why do you spend your time with these guys who don't love you the way that I do? Phone call, no mistaking. She starts her shaking. Eyes open, now I'm awakened. I'm gonna take it day by day now. Get high, good times rolling. On the side, city's showing. Or somewhere new to be going. So keep moving. Wake up, you son of a bitch. I wanna know who you're with. Why do you roll in the night at like six in the morning? I say, wake up, my love of mine. Why do you spend your time with these guys who don't love you the way that I do? Son of a bitch, I wanna know who you're with. Why do you roll in the night at like six in the morning? I say, wake up, my love of mine. Why do you spend your time with these guys who don't love you the way that I do? Mississippi, our tuning starts in Minnesota. Take I 35 to 90, Sioux Falls, South Dakota. Big heartache country girl, hope you're gonna make it on down. She said, yeah, Tim, good to see you, man. Hope you all stay around. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. The damn world won't again. Into the darkest night. We were born to ride now, baby. Ride into the morning light. Took a trip down to Kansas. Murdered in Arkansas. Stayed with her sister. That girl's above the law. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Women, cocaine, and booze. Yeah. The toughest are the roughest. Right. I got nothing to lose. Before I met you, everything was going wrong. It's been a long journey now. Girl, I wanna take you home. The future's not hard to see. Do what you do, girl, but please don't live. I'm gonna hold on to you as long as I can. Choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Wake Up et Hold On, deux pièces du nouvel album de Tim Armstrong, A Poet's Life, à la chanson coureur. Tim Armstrong, si vous ne le connaissez pas, là, c'est présentement le chanteur principal et le guitariste du groupe punk rock Rancid. Il joue également dans le groupe Transplants. Il a toujours été actif dans la scène punk de Berkeley et a aidé son expansion autour du 924 Gilman Street. Si vous connaissez l'histoire du punk, c'est pas mon cas. Autres informations, Tim est gaucher. Bien, je l'ai vu donc. Et il se dit aussi que Tim Armstrong n'est pas s'apparenter avec Billy Joe Armstrong du groupe Green Day, même si les deux chanteurs sont amis. Ils ont d'ailleurs écrit le titre Radio ensemble sur l'album Let's Go de Rancid. Fascinant, n'est-ce pas? Si vous voulez plus d'informations sur Tim Armstrong, allez voir le MySpace de Rancid ou myspace.com/Rancid. C'est la façon la plus efficace, je crois. Voilà, donc Tim Armstrong, l'album s'appelle A Poet's Life. On a entendu deux pièces de ça. C'est punk, reggae. C'est à la mode. J'aime ça. Maintenant, on passe à un groupe canadien, notre premier groupe canadien de la journée, en tout cas complètement canadien, dans la catégorie canadienne de C'est fou. C'est Foreign Film Star. L'album s'appelle Dim the Lights and Leave for a Better Place. Et voici l'introduction Shadow Puppets suivie de la pièce Long. Ça se passe maintenant à l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. C'est la chance au coureur. You can hold your hands, but you're still. yourself on fire. When there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire. When there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Nothing left to burn! Set yourself on fire! It was strange to see you again, introduced by a friend of a friend, smiled and said, yes, I think we've met before. In that instant it started to pour. Captured a taxi despite all the rain. We drove in silence across Pont Champlain. And all of that time you thought I was sad. I was trying to remember your name. The scar is a fleck on my porcelain skin. Tried to reach deep, but you couldn't get in. Now you're outside me, you see all the beauty. Repent all your sin. It's nothing but time and a face that choose. I chose to feel it and you couldn't choose. I'll write you a postcard, I'll send you the news. From the house down. Et c'est vraiment bon. C'est un groupe canadien. Et Danny Janvier vient d'arriver. Qu'est-ce que tu penses de ça? Allô? Ben, c'était bon, mais j'ai pas assez pris le temps. On l'écoutait, on jasait. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. C'est vrai. Hein? Donc, j'ai un peu délaissé la musique pour la personne. Tu vas voir, on va entendre d'autres pièces tantôt de Stars. C'est vraiment très, très bon. Si vous voulez plus d'informations sur le band, allez voir myspace.com/stars. C'est un groupe montréalais mélodramatique pop, si on ouais, veut. C'est très mélo, hein? Ouais. Très, très, comment dire, moody, genre. Il y a de l'humeur dedans. C'est vraiment, tu sais... Ah, je dirais même movie parce que c'est un peu film, ça, ouais. C'est imagé, c'est très bon. Les membres sont Torquil Campbell, Chris Sildman, Amy Millan, Evan Cranley et Patrick McGee. Si vous voulez entendre des pièces, dont la prochaine Sleep Tonight par Juniors, c'est Junior Boys. En fait, bon, j'ai lu un petit peu le texte parce que honnêtement, on reçoit les albums juste avant l'émission ici à la Chanson Coura. Ça dit est-ce que vous laisseriez vos amis redécorer votre appartement ou faire vos devoirs pour vous? Hein? Non. Est-ce que vous laisseriez faire votre magasinage ou votre épicerie? Non. Est-ce que vous les laisseriez garder vos enfants? Oui. Oui? OK, c'est bon. Et est-ce que vous leur laisseriez refaire un album et des pièces de votre band de leur propre façon? Tout dépendant des amis. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé à leurs amis, leurs bands amis, de faire des remix de leurs pièces de d'autres albums. C'est pour ça qu'en regardant la pochette du nouvel album qui s'appelle « Do You Trust Your Friends », je me suis dit, c'est exactement pareil comme leur ancien album. Il me semble, c'est quoi? C'est une nouveauté ou, tu sais? Bon. Ah, puis ça fait plein, plein de monde qui sont rattachés à ça, donc. Exactement. On voit des noms de bands, dont Metric, Apostle of Hustle, The Deers. Oh, The Deers. Génial. Ben oui, je les vois, ils sont là. Mais là, c'est une belle façon de créer un engouement autour d'un album, tu sais, parce qu'il y a plein de gens qui ont quelque chose de rattaché à ça. C'est bon, c'est une bonne idée. Absolument. On va l'entendre une pièce de Junior Boys. C'est leur propre interprétation de la pièce Sleep Tonight. Ça se passe tout de suite à la chance. Au coureur. On a un nouvel album de Kevin Parent. Ben ça, je suis en train de checker. Je suis pas sûr qu'on va le faire jouer, par exemple. Ça a l'air pas si pire. On va peut-être essayer. Everything is dark little heaven. Une pièce de Junior Boys, The Stars, en fait remixée par Junior Boys, c'était Sleep Tonight, Tonight, Tonight. Maintenant, voici une autre pièce de Dears qui remixe une pièce de Stars. C'est trop, trop fort. C'est bon. What I'm Trying to Say, Parts 1 and 2 de The Dears. Et plus tard, restez là parce qu'on va écouter un petit peu de quelque chose qu'une baleine a dit. Ça s'appelle Set the Whale. Oh! Ça sent le tigre aussi, hein? Oui, il y a un tigre, puis il y a un gars avec un popsicle, puis une queue de baleine à la place de la tête. Ah oui, c'est très logique. C'est spécial, c'est comme la chance au coureur. C'est comme une baleine. Ah! Une baleine, c'est la chance au coureur, une chance au coureur, c'est une baleine. C'est la même chose, c'est un synonyme. Ça, puis un canard. To say without having to say what I want to say. You look so good in the clothes of the hoser, and when you smiled all the kids fell apart. I know a place where it's warm and it's dry, dear, let me take you there. Not the river or the streets are the same. We can't pretend that they don't know our name. And the heat is turned all the way full. So don't pretend that you don't feel the pull. You look so good in the shoes of an outcast. I kissed your throat every time I said it would last. But then I knew you, I knew you, I knew you, I really knew you. We fell apart in the parties of the empty heart. We danced the junkie in the shadows of that Montmartre. We click our heels and we wish we were home. One more tab and your silk hits the chrome. Spring comes in when I'm rolling up another one. I draw the curtains in the glare of the same sun. We are collapsed in the act of just being here. Three blues, two greens and a beer. We are collapsed in the act of just being here. Three blues, two greens and a beer. I am trying to say what I'm going to say. Say what I'm going to say. The Dears, avec What I'm Trying to Say Parts 1 and 2. C'est une pièce de Stars de leur précédent album, mais celui-ci, c'est un album de remix, ça s'appelle Do You Trust Your Friends. C'est un album à se procurer. Hey! Hey. Hein, allez voir starstheband.com si vous voulez plus d'informations, ou encore myspace.com /Stars, tout court. Vous êtes à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, qui surfe sur la vague de ces nouveautés au 89.1 FM avec Danny Janvier et Mathieu Blanc. Mm-hmm, effectivement. En effet. On est une Canadian Block, que je dirais. Oh. Un bloc Canadian, avec une formation qui s'appelle Said the Whale. C'est ce qu'on s'en va entendre. Leur album s'appelle Taking Abalonia. Et là, ce que je trouve vraiment drôle, c'est que quand tu regardes sur la pochette, le nom Taking Abalonia, il y a une genre de supposée faute d'orthographe qui ont barré. Genre. Avec un stylo, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est vraiment cool. Je vois. Regarde ça, pour voir si c'est un vrai stylo. On dirait stylo, que c'est fait par notre directeur de la prog. C'est ça, on dirait que c'est quelqu'un ici qui a comme barré ça parce qu'il y avait une faute. Mais non, ça vient directement de là-bas. Parce que si je prends mon doigt avec de la barbe, je risque de l'enlever. Ça veut rien savoir. Non, ça veut rien savoir. Il a arraché un bout de la pochette, mais ça veut pas nettoyer le stylo. C'est ça, j'ai mis mon ADN aussi dessus. Si je fais un meurtre, là, prenez le CD de ça, c'est The Way. Si on décrit un petit peu la couverture avant, c'est feuillu. Oui, feuillu blanc. C'est ça. Avec un gars, comme on dit, avec une queue de baleine à la place de la tête. Il mange un popsicle trois couleurs. Très bon popsicle. Des rockets, qu'on appelle. C'est ça, des rockets, c'est pas battable. À l'arrière, il y a un tigre. Très beau tigre du Bengale. Et une lune du Bengale aussi. Oui, bien sûr, ben, c'est la lune du Bengale. On va entendre une pièce qui s'appelle « This Winter, I Retire ». Si va, je prends ma retraite. Nous autres, c'est l'été, mais il y en a qui c'est l'hiver. Ben oui. À la c'est jamais aussi. À la chance au coureur. Just like any other, I wake up in the

écoute une troisième pièce. Voici The Banks of the English Bay de la formation Set the Whale. Et on parlera du groupe après. Hein? Superbe. C'est un petit côté Beatles, hein, ça, je trouve. C'est trop, hein, un petit peu. Ouais, c'est voilà. Ça. Très, très, très musical. C'est La musique musicale. La musique musicale à la station musicale, la musique d'après-demain dans trois jours. Set the Whale avec une troisième pièce. Leur album doit être 20 minutes en tout, parce que leur pièce dure comme une minute et demie. The Banks of the English Bay, ça c'est le début de Better For You. Mais à la place, ce qu'on va faire, à la place d'écouter ça, on va l'entendre un petit peu de Kevin Parent. On a reçu un nouvel album de sa part. On a entendu beaucoup parler de lui cette semaine. Les gens disaient que c'était super, mais tu sais, à la télé, ils disent tout le temps que tout est excellent. C'est vrai. Donc on va se faire une idée à nous. Ça a l'air anglophone. C'est anglophone au complet. Parce que j'ai pas de feuille d'information avec moi, malheureusement. Moi, je l'ai vu, comme je te disais, à la télé, genre à Flash, là, pour pas le nommer. Puis c'est ça, ça avait l'air d'être bien. Il dit que c'est un retour à ses sources à lui, parce qu'à la base, il a commencé à composer en anglais. Donc il voulait revenir à ce qu'il était lui-même. Mais il était lié avec un contrat qui l'obligeait à faire 3 albums en français. OK. Fait que là, il s'est fait plaisir avec cet album-là. Donc. L'album s'appelle Fangless Wolf Facing Winter et la pièce s'appelle Every Now and Then. Et ça commence comme ça à la chance. Au coureur. Ouais. I've seen the world outside, like wolves at the door. The raging sea rising higher than before. But this stillness I have inside is presently mine. Cause every now and then I feel the weight is lifted off of me. Every now and then it seems that we still can be free. In peace with myself, like seldom before. I won't feel guilty for not fighting this war. See those people cry, will come our turn. The planet's in grief, we've got so much to learn. There's more to the screen than meets the eye. And people like you and me are allowed to know why. Yes, every now and then I do get affected by all the things going on. Oh yes, I hear that roaring anger. Don't get me wrong. So every now and then I need to see that look in my loved one's eyes.

do you breathe in deep? And how many smiles do you honestly need? Is silence something that deprives you from sleep? Why not count instead of killing those imaginary sheep? I pray for your relief. Cause every now and then I feel the weight is lifted off of me. And every now and then it feels that we can be somehow free. And every now and then I wanna reach out. Every now and then, believe it or not, I think I understand. Futur succès du Canada anglais. Oui. Kevin Parent avec Fangless Wolf Facing Winter, c'est le nom de l'album, on vient d'entendre. Un son très unplug. Non, c'est bien. Oui, oui, oui, oui. C'est pas mon genre. Mais... Non, c'est ça. Je trippais pas sur son côté francophone. Son côté anglophone m'intéresse un petit peu plus. Oups, excusez. T'as le canard qui... T'as le canard. Le canard qui rit d'un brancard. Pauvre toi. Mais oui. On vient d'entendre la pièce Every Now and... Non, c'est ça, je m'excuse. Qu'est-ce qu'on vient c'était d'entendre? C'était Kevin. C'était Kevin, hein? La pièce Every Now and Then, la première pièce. On n'a pas entendu une deuxième pièce, il me semble qu'on a entendu. La deuxième, ça, non? En tout cas, je sais pas si c'est pas grave. Ça, t'en as mis deux, en tout cas. C'est pas grave. On n'est pas là. On n'est pas là. Peut-être que j'ai mis deux fois la même, on sait pas. Donc, Kevin Parent, encore une fois, l'album, vous avez même pas besoin de l'entendre. Le titre, vous allez l'acheter de toute façon. Hein? Fangless Wolf Facing Winter. Et on disait que ça jouerait peut-être pas dans les radios commerciales québécoises parce qu'ils ont un quota de musique anglophone puis qu'ils vont passer seulement des gros canons anglophones. Ouais, effectivement. Malheureusement, mais peut-être le Canada anglais. Hein? Radio-Canada anglais, là, CBS, puis tout CBC. Ça. CBC, excusez. On s'en va entendre maintenant un petit peu d'électronique pour changer de beat complètement. Qui a l'air un peu afro-électro, hein? Genre de groovy funky avec une jeune demoiselle afro. Afro, oui. Puis c'est seulement sa face et son cou qui est en rouge. Le reste, même ses cheveux et le fond de l'album, c'est tout en noir. Et tout ce qui découpe ses cheveux, c'est une ligne blanche. C'est bien, c'est beau. C'est vraiment très beau. Et à l'arrière, c'est le dos de sa tête. Ça fait très disco 70. Ça ressemble à un vinyle. Effectivement. Mais en CD. Donc, l'album s'appelle El Cano Browning Cream, produit par Mikel Aspiroz, et on écoute la pièce Xinjiang Women. À la chance. Beaucoup bien. Thank you. Ah, il y a des gens bons, il y a des gens drôles. Il y a des gens drôles, il y a des gens... Bon. Ben, j'allais dire d'autres choses, moi. Je vais arrêter là. Elcano Brown Cream. Il y a des gens bons et des gens cons aussi. Il y a des gens qui vivent leur vinaigrette. Ben oui, aussi. Elcano Browning Cream, Latin Jazz Lounge de France. Très, très, très bon. C'est à se procurer. Un petit album d'été. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Ça m'a tombé dans l'oreille. Oui. Et c'est même pas ressorti dans... Ben non. Non. C'est de France. Vous pouvez aller voir plus d'informations sur Elcano Browning Cream. Elcano, E-L-K-A-N-O Browning Cream. Les liens vont être sur le unechance.com. Hein, quand même, unechance.com, le site de l'émission. Les membres sont à la batterie Frank Montegar, à la guitare Matt Harding et à l'orgue Michael Aspiroz. C'est produit d'ailleurs par lui. Ça dit European Chilled Groove avec un vibe africain, avec les polyrythmies de Frank Montegary, le drummer basé à Paris, qui travaille avec Alpha Blondy depuis 8 ans, en plus de travailler avec Saint-Germain et Massive Attack. OK. Voilà. Et puis, les détails sont un petit peu complexes pour moi ici, comme ça, mais c'est très intéressant. Fait par des gens qui ont fait d'autres choses avant, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec Elcano Browning Cream, on va entendre une deuxième pièce rapide qui s'appelle Intermission. C'est l'intermission entre les autres pièces. Ça a l'air le fun. Tout de suite, à la chance. Au coureur. Ouh. Bon été. Bonne semaine. Bonne semaine. Deuxième pièce de Elcano Browning Cream avec la pièce Intermission. Et j'espère que vous buvez un bon martini sur une terrasse. Ben j'espère et que vous écoutez La Chance au coureur, c'est tellement une bonne place. Exactement. Une terrasse, ben une oui. Bonne émission, La Chance au coureur. De bons animateurs, Danny Janvier, Mathieu Plante. Ben surtout Mathieu Plante. On s'en va entendre une pièce de Mister Valère et on en parlera tantôt. On va faire ça rapidement, il nous reste à peine 10 minutes à l'émission. Et plus tard, on couronne notre coureur de la semaine, présenté par La Chance au coureur. La semaine. Ah, la semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Kevin Sky. Ah, il paraît que Kevin Sky est gay. T'es-tu sérieux? Ben, moi, j'étais sur le cul, je crois pas ça. Sur le cul, ben lui aussi. on se croirait vraiment à genre énergie. Hein, ben oui, on est là ça. Aussi. On est là, c'est ça? Ben oui, regarde, c'est TQS qui joue en arrière. OK. Mister Valère. À la chance pour toi, par en arrière. C'est délicieux. Ben là, attends une minute. Attends, t'es en train de me faire douter de moi. Non, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Très bon. Ouais. Je regarde, regarde, c'est Alcano. Bizarre. Groove. C'est une découverte là, pour moi, c'est très très bon. Ils sont de Sherbrooke, justement. C'est un quintet qui a volé le show à la Bourse Rideau en 2007. Cet été, ils vont être en doublé avec Plaster. Oh, Plaster, j'adore Plaster. Ils vont faire plein de shows partout. C'est une découverte excellente. Ça, c'est à découvrir. Mister Valère. Ils vont être un peu partout. Allez voir, il doit avoir un site internet. Je suis en train de chercher. C'est le Mister Valère, mais Mister avec EUR, valère.ca. Bon, donc allez découvrir ça. Ils doivent avoir un MySpace aussi, sûrement. Ouais, ouais, ouais, sûrement Barblick Mister Valère avec Mister EUR encore. Ouais. Et au début, ils ont commencé avec un genre de jazz électro, un peu hip-hop. Maintenant, ils ont décidé d'affiner leur musique et de s'en aller vers justement quelque chose de plus électro-jazz et quelque chose de centré sur le groove. C'est très bon, c'est à découvrir. Les spectacles qui s'en viennent, les 14, 15 et 16 juin, Festival de la chanson de Tadoussac, 30 juin, Fête du Canada à Saint-André-de-Valin. À Saint-André-à-Valin, je ne connais pas. D'accord. Et Fête du Canada aussi à Gatineau. On a au Grand Théâtre de Québec le 15 septembre. Donc, plein de dates de shows à découvrir. Mister Valère. Le nom de la pièce qu'on a entendu, c'était Plocule Black Part 1, version radio. Si vous voulez entendre les autres pièces, encore une fois, mistervalère.ca et n'oubliez pas le Mister EUR. Et le MySpace est bien myspace.com/mistervalère. C'est toute machine, tu vois tout. On termine notre émission avec le coureur de la semaine de cette semaine. Et nos coureurs, nos célèbres coureurs, c'est Los Campesinos. Oh. Excellent, très très bon. C'est alternatif, c'est enjoué. C'est rempli d'énergie. Très enjoué. Ce matin, on a entendu 4 pièces de leur part. On s'en va entendre la 5e pièce de l'album. Et si vous voulez réentendre les meilleures pièces de l'album, écoutez la prochaine édition des Palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. Alors que Danny, ben, on te retrouve à la semaine prochaine. Oui. À la semaine prochaine. Et moi, je vous retrouve à la connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, les jeudis, samedi et mardi à midi. La chance coureur est en direct le vendredi matin à 10h et en reprise le samedi et le mardi à 14h. Et comme j'ai dit au Palmarès C'est fou, de la part de Danny Janvier, de Mathieu Plante et de toute l'équipe fictive des Palmarès C'est fou, faites attention à vos genoux, bonne journée, bonne chance et restez là pour Rock Classique le vendredi. Sinon, restez là pour la dernière porte à gauche. Guaranteed I'm getting a hug when they leave, and now on the way home.